Insondable, alléluia, et l'amour vivant, l'amour rédempteur, c'est recherché, recherché profond. Alléluia, l'amour vivant, c'est amour, amour. Et donc, oui, pour moi, pour moi, pour moi, indigne, sauvé, par grâce. Pour moi, amour, amour, rédempteur. Dieu bien-aimé, notre Père céleste, nous nous approchons humblement encore une fois de ton trône de grâce avec humilité. Avec confiance et reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous. Nous ayons gardé depuis que nous avons été ensemble ici dimanche jusqu'à ce jour. Dans ces trois jours, il y a eu beaucoup qui sont tombés malades sur la terre. D'autres ont été emprisonnés. D'autres sont cachotés. Il y en a même qui sont morts. D'autres en déplacement de guerre. Réfugiés même. Mais si nous sommes sur la terre, c'est à cause de ta grâce. C'est parce que tu le fais encore, Seigneur. Et tu nous prêtes encore ce souffle. Et même que nous prêtes le, tu nous prêtes le souffle de vie, nous aussi nous sommes disposés à te prêter nos corps pour que tu les utilises, Seigneur, pour ta propre gloire. Pardonne nos péchés. Amen. Tout ce qui peut nous empêcher de communier avec toi, d'être en bonne relation avec Dieu, lave-les au nom de Jésus-Christ. Nous supplions le sang de l'agneau qui a coulé pour les coupables et qui est passé encore pour les coupables, intervenir au profit de chacun, pour nettoyer en profondeur, pour rendre agréable à Dieu. Mais nous-mêmes, Seigneur, nous pouvons rien faire. Tu l'as déclaré. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans l'homme, il n'y a rien de bon. Et toi, Jésus, il est bon. Le bon maître, c'est toi, Seigneur. Le bon berger, c'est toi. Le Dieu est bon, c'est toi, seul. Oui, Dieu a dit qu'il y a des bons questions. Reçois-nous maintenant et déverse en nous ta bonté, ton pouvoir divin, ta nature céleste, ta nature divine, qu'elle nous envahisse. Enlevez de nous toute trace du mal, toutes les habitudes du mal et toutes les influences du mal. De nos cœurs, nous voulons te servir. Nos cœurs n'aiment que le bien. Nous voulons faire le bien. Chaque jour, à tout instant, Seigneur, tu nous sondes et tu nous connais. Rien n'est caché devant toi, Dieu. Car les yeux de Dieu sont comme les flammes. Le feu. Tu vois même dans les ténèbres. Rien n'est caché, Seigneur. Maintenant, nettoie ton église, vérifie-la en ta présence et communie avec nous au moyen de l'évangile, la chose la plus précieuse que tu nous as donnée ici sur cette terre. Car le temps passera, tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons entendre, tout ce que nous pouvons toucher, les choses visibles passeront toutes, mais ta parole est éternelle. Laisse que nos âmes s'accrochent à ta parole et que revêtent l'immortalité, l'éternité de Dieu, pour vivre avec toi dans l'éternité. Conduis cette réunion. nous gagnons, malgré les chants de louange, toutes les prières, les supplications qui ont été élevées depuis 17 ans jusqu'à maintenant, Seigneur. Et nous sommes ici pour nous adresser à toi, pour communier du mieux que nous pouvons avec l'esprit de vérité, l'esprit du Tout-Puissant. Communier avec chacun, Seigneur. Bonne suite à ses attentes. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu es celui qui appelle l'oreille et que ton oreille n'est pas sourde. Toi qui ouvre même les oreilles des sourds, tu es capable d'entendre chaque prière. Et tu as dit que tu honores les personnes sincères. Conduis ces âmes sincères à la vérité. Conduis ces âmes sincères à la repentance. Conduis-nous dans la meilleure présence de Dieu pour que nous puissions mieux jouir de tes privilèges et marcher mieux qu'avant. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de l'Amen, nous prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur ici dans la Sainte Bible. Marc chapitre 9, versets 1 à 12. Marc 9, verset 1 à 12. Il leur dit encore, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, le froid les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, celle-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Alobi pe na bango ete, solo na jali koloba na bino ete, ba mosusu na bango ba jali, kotelema awa ba komona kufa te kino e komona bango bokonzi na Nzambe koya na nguya. Na sima na mikolo motoba, Yesu akamati Petelo, na Yakobo, na Yohane akambi bango likolo na ngomba molayi, bobele bango penza, pe abongami lolenge na ye liboso na bango, bilamba na ye bibandi kopela, bijalaki pembe pe na motindo oyo mosokoli na bilamba awa na mokili ayebi kopelisa yango pembe te. Elia na Mose bamonani na bango, bajalaki kosolola na Yesu. Petelo alobi na Yesu ete, Kolo, ezali malamu ete tozali awa tosala mingombo misato, moko na yo, moko na Mose, moko na Elia. Zambi ayebite soko ajali koloba nini, pwete babangi mingi penza. Lipata eyei kozipa bango pe mongongo ebimi na lipata koloba ete, oyo mwana na ngai na bolingo, boyoka ye. Batali pwasa epai na epai pe bamoni moto te bobele Yesu esika moko na bango. Likiti bango na ngomba, ye apesi bango monoko makasi ete, bolobela Bolo bela motote li kamboli sili bango kumona kino mokolo mokolo wana eko sekwa mwana na moto kati na bakufi. Bongo bamoni li kambo oyo kati na bango kasi bamituni soko tina na kosekwa kati na bakufi ejali nini? Batuni ete, kona nini bakomeli bakolo baka ete eko kina Elia koyali boso. Ya lobi na bango ete, solo Elia ajali koyali boso pe na kobongisa makambo yenso. Eko mami pe boni na likambo na mwana na moto. Ete, eko ya pasi na tina na makambo mingi pe ako kimolama. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8 à 11. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Kasiwana eko sila molimo mosanto koya na likolo na bino. Boko zwanguya mpe boko jala batato linangai kati na Yerusalemi, na Yuda mobimba, na Samalia, mpe kino na suka na mokili. Efila kie koloba matambo oye mpe ejala ki bango kotala, anetwi mpe lipata ebombiye na miso na bango. Na ino ejala ki bango kotala wana ekeiye na likolo, bajala ba ki kota la te, batomi bale, bakomi kote le maipai na bango. Balati bilamba pembe, pe balobi eti. Mibali na Galilai, botemi kota la na likolo po na nini? Yesu oyo, moko, alongi na bino, koka matama na likolo, apoya bobele, bongo na motindo emoni bino ye, kota na likolo. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 à 21. Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Nabongo bobongo la bitema pe bobuta ete bopetwa na masumu ete tango na bopemi euta na nkolo. Ete atinda Kristo oyo aponameli bino ye Yesu. Ekoki ete aumela na likolo kino tango na kokokisama na makambo yenso. Yango olobaki Nzambe na minoko na basakoli na ye na bule longwa na kalakala. Kadio benisso la lecture de sa parole. Nzambe apambola botanga eloba na ye. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Okokovanda na kombo na Jésus-Christ. Nous allons prêcher l'évangile de Dieu. Okoteya sango malamu na Nzambe. Dans l'amour de Dieu. Kati na bolingo na Nzambe. Et pour le salut des âmes. Kona amen. Pona lobiko na Nzambe. L'évangile de Dieu, c'est la parole de vérité. Sango malamu na Nzambe ezali loba ya solo. Il est aussi appelé l'évangile de votre salut. Yango ebengami pe sango malamu oya lobiko na bino. L'évangile nous est donné. Soki sango malamu pe samele biso. Parce que Dieu veut sauver les âmes. Ezali po ete Nzambe ali kobiki sa bamela. Capital nécessaire. C'est le salut de nos âmes. Que ton âme soit sauvée. Toi frère, que ton âme soit sauvée. Toi sœur, que vos âmes soient sauvées. Toute église, elle est la volonté de Dieu. Dieu, il l'a dit clairement, vous le savez. On peut le rappeler avant d'avancer. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tous soient sauvés. Croyez-vous ça? Et s'il veut que tout soit sauvé, c'est que moi je dois être sauvé. Chacun doit dire ça. Moi aussi je dois être sauvé. Pourquoi pas moi? Je veux que tous soient sauvés. C'est pas sa volonté. Et moi je veux m'exclure pourquoi? Je veux me voir en enfer. Pour quelle raison au monde? Pour que Dieu veut que tous soient sauvés. Et dans les tous, il y a moi. Chacun se dit ça. Notre voix sera encouragée. À ne pas écouter les intimidations. Mais à prendre position pour l'évangile. L'évangile du salut. 1 Timothée chapitre 2. Et verset 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu le veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu le veut. Il le veut. Et comme preuve, il a posé les actes d'intention et de bonne foi. Et c'est écrit ici dans 1 Jean chapitre 2. Dans les actes de bonne intention et de bonne foi. Pour mettre à exécution ce qu'il veut vraiment. Et dans 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Est-il possible de ne pas pécher? Oui, amen. C'est possible de ne pas pécher. La parole est écrite, elle nous est envoyée pour que nous péchions. L'évangile est aussi prêché pour que nous péchions. Amen. Et si quelqu'un a péché, ça peut arriver. C'est la marche. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Jésus-Christ, c'est lui qui prend ça pour lui-même, dit béni son sauveur. Mon sauveur. Il a pris des précautions nécessaires. Il a pris des mesures idoines. Indispensables. Capital important. Et c'est au bénéfice de ceux qui croient. Et si quelqu'un a péché, ne désespérez pas. Voilà, ne vous enfoncez pas pour autant. Voilà, tu as péché. Tu n'en avais pas l'intention. Ni la volonté. Alors, n'oublie pas qu'il y a un avocat auprès du Père. Et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le juste. Il est lui-même verset 2. La victime expiatoire. Pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres. Mais aussi pour ceux du monde entier. Et tu es un habitant du monde. Dans le monde entier, il y a toi. Et tu dans le monde. Je ne parle pas aux cadavres. Je ne parle pas de personnes vivantes. Êtes-vous vivant? Sur la terre, dans le monde. Alors, le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui-même Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est victime expiatoire pour le péché de nous qui croyons, mais aussi de ceux qui se retrouvent dans le monde, quelle que soit leur nation, leur continent, leur tribu, leur ethnie, leur clan, leur langue maternelle, leur langue nationale, Jésus-Christ, il est victime expiatoire. Il est le sacrifice agréable. Il est le sacrifice agréé de Dieu. Et éternellement. Une personne ne peut remettre ses rencontres. Le sacrifice a été éprouvé sur terre. Il a été éprouvé à Golgotha. À la porte de Jérusalem. Et il a été trouvé juste. C'est un sacrifice agréé de Dieu. Sous lequel vous êtes valable. Vous gardez mieux que tout autre. Sabuni nyoso. Qui vous gardera mieux que toute autre protection. Jésus-Christ vaut plus que tout. Jésus-Christ abongi koleka nyoso. Il vaut plus que tout. Abongi koleka nyoso. Les sauveurs du monde. Obiki les alliés. Amen. Moi j'aime croire ça sincèrement. Toi aussi crois-le sincèrement. Alors Jean 4, verset 42. Il disait à la femme samaritaine, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons nous-mêmes entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Est-ce que tu l'as aussi entendu? J'aimerais que tu arrives à la même conclusion. Tu l'as vraiment entendu. Par une expérience personnelle. Par une relation personnelle. J'aimerais que tu arrives au même constatation. À la même conclusion. Et d'autres fois. Ta foi ne doit pas baser sur celle de quelqu'un qui t'a été vendu à la moto à Silvio Gamma. Tu t'avais donné l'adresse de l'église. Après ça, tu n'es pas eu à faire des années. C'est pour que tu viennes au bout. Oui, il a fait sa part pour ta vie. La foi que tu dois manifester ne doit pas avoir pour fondement telle que celle-là. Parce que celui-là est faillible. Dieu peut l'avoir utilisé et finalement il peut aller à l'enfer. Mais il l'a utilisé pour ton salut. Voilà, il y a le coup la femme où il y a connu sa transition. De là, vous voulez pas y voir pour les gens. Vous allez la mettre côté pour aller la montrer en zone. Les yeux fixés sur Jésus-Christ. Allez là, vous voulez sur Christ. Pour l'entendre toi-même. Voilà, pour l'occasion. Expérimenter toi-même. Dit qu'il a eu mon corps. Tirer les mêmes conclusions que ceux d'autres fois. Il est vraiment le sauveur. Azali Penza, mon dit qu'il s'est moqué. Moi, je l'ai regardé. Et j'ai conclu comme ça. Il est véritablement le sauveur du monde. Car dans ce monde perdu où j'étais perdu, je ne vois pas qui pouvait me sauver à part lui. Mais c'est vrai. Solo. Mais Jésus-Christ, il a accompli l'acte de sacrifice. Il est si important pour nous. Dans Jean chapitre 3. Au verset 17. Bon, prenons le verset 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce don de Dieu est une disposition divine. Capital important. Il a donné son Fils unique au monde. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le monde entier. Dieu a un objectif. Et le monde que le monde entier soit sauvé par Mahomet. Voyez. Si quelqu'un était distrait, il allait se faire avoir. Dieu a un objectif. Et il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Pour que le monde soit sauvé par William Branham. Soyez sérieux. Soyons sérieux. Il a envoyé son Fils unique. Pour que le monde soit sauvé par le pape de Rome. Est-ce le pape? Vous allez papa. Le cardinal du Congo. On a épiscopo et Mboka Congo. Et Val de France. On a des couvades de fin. Le monde doit être sauvé. Selon Dieu. Selon Dieu. On a par une seule personne. On a des et c'est Jésus-Christ. Les alliés Jésus-Christ. Il n'y a de salut à aucun autre. Les alliés Nalobiko, Nalibanda Naïté. Vous ne trouverez le salut nulle part ailleurs. Vous écoutez Nalobiko et c'est comme on se soutient. À part en Jésus-Christ. Vous écoutez Jésus-Christ. Acte 4, versets 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. mais qui est devenu la principale de l'angle. Il n'y a de salut à aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Yesu ajali libanda bitolami na bino batongi. Yempe asili kokoma moto na suka. Lobi kompe ajali na moto mosusu te, po ete kombo mosusu te esili kopesa ma awa na se, kati na bato ete lokoka kobikisa mpona bango. Dans le sermon intitulé Le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi. La madame disait que si vous contestez votre église, vous serez perdus. Si vous comptez sur votre église, vous serez perdus. Si vous comptez sur votre dénomination, vous serez perdus. Si vous comptez sur le fondateur de votre église, vous serez perdus. Et si vous comptez sur quelque autre nom pour être sauvé, vous serez perdus. Il y a des saluts quand Jésus-Christ. Et il est le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi. Toute adoration doit se faire en Jésus-Christ. William Branham n'est pas le lieu d'adoration. Branham s'ouvrait les oreilles, entendez. Vous êtes tous perdus. Je suis parti de William Branham, le lieu d'adoration. Il n'y a pas deux lieux d'adoration. Il n'y a de salut à aucun autre. Et jusqu'au moment où surgira le règne de Milan. Non, Bokonzi. Jusqu'à ce moment-là, il n'y aura pas d'autre nom. Il n'y aura qu'un seul nom. Nous lisons dans Zacharie chapitre 14. L'Éternel sera roi de toute la terre. Quelle prophétie! Sachez-le et retenez-le. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul. L'Éternel. Et son nom sera le seul nom. Que l'Église dise Amen. Que tous ceux qui craignent l'Éternel disent Amen. Ceux qui ont l'Éternel pour Dieu disent Amen. Ce Dieu-là sera roi de toute la terre. Et Frère Branham annonce une prophétie divine. Il a utilisé presque les mêmes termes que le vieux prophète. Il a dit, il vient un temps où Jésus-Christ notre Dieu, il sera le roi de toute la terre. Et puis il dit, toutes les nations parleront une seule langue. Toutes les nations de la terre parleront alors une seule et même langue. Vous croyez que ceci va se réaliser? Oui, ça c'est le messager loin de l'esprit. Le message a pour mission de restaurer le monde entier. Donc, il n'y a pas que l'église de premier-né. Dieu ne s'arrêtera pas qu'à restaurer l'église seule. Mais Dieu rétablira également le royaume d'Israël. Et Dieu rétablira également toutes choses dans le monde entier. C'est la grande mission de ce message Il faut que vous compreniez la portée de ce message. Vous ne le prenez pas comme une théorie d'un groupe de prière. Ou comme la catéchèse d'une paroisse catholique romaine. Attention, monsieur, madame. C'est un message créateur. Venant du Dieu créateur. C'est aussi un message restaurateur. Et c'est un message qui prône le salut de Dieu. De ceux qui aiment ce message. Je ne vous sens pas. Ceux qui aiment vraiment ce message. Et qui en comprennent l'importance. La parole elle-même est plus grande que le prophète qui l'a fait. Elle est plus grande que l'église qui la croit. Cette parole est au-dessus de tout. Elle a autorité sur tout. Elle a du pouvoir suprême sur toute chose. Cette parole est merveilleuse. Elle est ma richesse. Elle est ta richesse. Elle est ta protection. Elle est ta sécurité. Elle est ta vie éternelle. Cette parole restaure tout. La Bible dit que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Dans le psaume 19, vous allez comprendre. La loi de Dieu est parfaite. Et c'est cette loi de Dieu qui restaure l'âme. Je voudrais que cette parole restaure ton âme. Particulièrement la parole de l'heure actuelle. Le message du soir. C'est un message de restauration. Est-ce la terre sombite dans ta vie sur terre? Cette parole atteint le but. Que ton âme soit comptée parmi les âmes restaurées. Moi je le veux pour moi. Je le veux aussi pour toi. Qu'en est-il de toi-même? Est-ce que tu le veux pour toi-même? Cette parole atteint le but. Je serai ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Ta parole, Demandez tout ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. C'est l'avantage. Non seulement la parole vous purifie complètement. Elle restaure votre âme. Elle restaure votre personne. Mais encore la parole vous donne l'avantage. Le privilège d'être exaucé en toutes choses. Quoi que ce soit que vous demandez. Cela vous sera donné. La parole l'a dit. Il ne peut mentir. Amen. C'est vrai. Qui est Qui est sincère avec Dieu pour dire amen? La parole le dit. Elle ne peut jamais faillir. Et pourquoi est-ce que tout ce que vous demanderez. Amen. Par la foi là. Tout ce que vous demanderez. Par la foi. Vous le recevrez. Mais Dieu le dit non? Si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent à vous, demandez tout ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Oh, il y a de quoi prendre du temps et prêcher à moi. Mais ce que je voulais vous dire par cette introduction, c'est de savoir que c'est Jésus-Christ qui était venu. Ce Jésus-Christ-là doit revenir. Et il va effectivement revenir. C'est lui seul le sauveur du monde. Car nous l'avons entendu et compris. Lui seul et son nom seul est sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Lui seul. Lui qui était venu sur terre. Là, il reviendra. Ça, nous devons le comprendre. Mais dans le cadre de son retour, il y a ce que nous appelons l'ordre de sa seconde venue. C'est sur ça que je voulais vous entretenir. L'ordre de la seconde venue de Jésus. Alors, sur le fondement biblique, nous avons lu trois passages concordants. C'est-à-dire qui se complètent sur ce sujet. Nous avons lu Marc chapitre 9, le verset 1 à 12. D'ailleurs, c'est écrit déjà au tableau. Marc 9. Malako, c'est un événement qui a eu lieu pendant que Jésus-Christ était sur la terre. Et maintenant, Actes chapitre 1, verset 8 Mithala à 11. C'est un autre événement qui a eu lieu pendant que Jésus-Christ quittait la terre. Et Actes chapitre 3, verset 19 à 21. C'est un événement qui a eu lieu après que Jésus-Christ soit parti de la terre. Mais dans ces trois endroits, le retour de Christ est évoqué. La venue du Seigneur est évoquée. Êtes-vous là? D'abord, dans Marc chapitre 9. Malako, comparons. Marc chapitre 9, verset 1. Malako, Jésus qui était déjà venu pour la première fois. Kouya, il dit ceci au verset 1 là-bas. Il leur dit encore. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Venir. Il s'agit de la venue du royaume de Dieu avec puissance. La venue. Traduisez. Alobi, na bango penza ete, solo na jali koloba na bino ete, ba mosusu na bango ba jali kotele ma awa, bakomona kufa te kino, ekomona bango bokonzi na nzambe koya na nguya. Et quand nous comparons dans Matthieu chapitre 16, bango tokokanisa yango na Matthaï, mokapo ya zomi na mokapa, qui est censé reproduire la même pensée que nous avons ici dans Marc 9, verset 1. Parce que chaque évangéliste a donné la version pour comprendre qui a ajusté les choses. Et rendre la parole harmonieuse et parfaite. Matthieu 16, verset 28. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Nazali koloba na bino ete ba mosusu bazali kotelema awa ba oyo bakomona kufa te liboso na komona mwana na moto oyo azali koya na bokonzi na ye. C'est la même pensée que Matthieu a rendu comme cela. Oui, Matthieu a rendu comme cela. Que Marc a rendu comme l'a lu. Marc rend sa part voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Mais Matthieu rend cela en ce temps. Voir le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est le même événement. Qu'il est annoncé. La venue du royaume de Dieu avec puissance. Dont Marc parle. C'est la venue du royaume du Fils de l'homme dans son règne. Quand il doit venir pour établir son règne. Son règne millénaire comme mais avant qu'il ne vienne comme ça. Il y a une série de choses qui doivent se passer. Êtes-vous là? Il y a une série de choses qui doivent se passer sur la terre. Et dans le couronnement. L'installation du royaume de Dieu avec puissance. En d'autres termes, l'établissement du Fils de l'homme comme le roi de toute la terre. Le même qui était déjà venu pour le sauver, le même reviendra pour le sauver. Qui dit amen? Le même qui était venu pour le sauver, il a été humilié, il a été humilié, crucifié. Le même Jésus-Christ reviendra pour établir un règne mondial. On a porté à vos il sera roi de toute la terre. Amen. Amen. Mais avant qu'il ne vienne, il y a un autre des événements dans les domaines prophétiques. Donc quelques-uns sont mentionnés derrière cet événement. L'événement de Marc 9, verset 1 à 12. Voilà. Là, c'est la venue du Fils de l'homme. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1 que nous avons lu, verset 8 à 11, j'ai dit que la venue du Seigneur est encore évoquée. Mais il faut voir en quel terme. Actes des Apôtres, chapitre 1, on peut relire, là où il est question que la venue. Alors, il dit ceci, verset 9 à 11. Le 8 parle du Saint-Esprit qui nous couvre pendant tout ce temps. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparaissent. Et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, venez-vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu. Le verset 11 parle de sa venue. Il doit venir comment? De la même manière que vous l'avez vu. Vous le verrez venir de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Or quand il allait au ciel, qu'est-ce que vous avez remarqué là? Au verset 9, où j'ai intentionnellement voulu reprendre la lecture, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regarde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une nuée le déroba à l'ingénieur. Une nuit qui a caché Jésus de l'éleva. Qui a enveloppé Jésus pendant qu'il se réveillait. Maintenant, deux hommes leur sont apparus. Il pensait peut-être qu'il va réapparaître. Il pensait peut-être qu'il va réapparaître. Il pensait peut-être qu'il va réapparaître. Il est parti, il continue à regarder. Il continue à regarder. Il voit surgir deux hommes. Non pas un un homme. Ils mon tomo côté. Non pas trois hommes. Ils allaient ma côté. Deux hommes. Batomi balé. Descendant de là. Okitaka Kuna. Ils leur disent. Malobeli Bango. Homme. Pourquoi continuez-vous à regarder vers le ciel? Vous allez beaucoup m'accompagner. Vous vous faites des illusions. Il n'y a pas banjo, ma canité. Et vous attendez que vos idées se confirment d'une certaine façon. Vous allez poser la tête, ma canité. Nous ne nous en voulons pas. Écoutez, ce Jésus que vous avez vu partir, de la manière dont vous l'avez vu partir, il reviendra. De la même manière. Ce qui veut dire que quand il sera en train de revenir, une nuée sera encore mentionnée. Une nuée sera de nouveau mentionnée. Hein? N'est-ce pas? Vous allez bongo? Une nuée. Lipata. Maintenant, de quelle venue ces deux hommes ont-ils parlé là? Vous voyez, ni bateau, à fini colobela. Est-ce de sa venue pour installer le règne millénaire? Vous voyez, n'a pas la côtia, beaucoup de yeux, à côté. Ou d'une autre venue qui est prévue dans le programme de Dieu? Vous voyez, de là, la question. Wana mutuna. Maintenant. Ça été. Dans Marc chapitre 9. Malako, Mokapo, Aliba. Le Seigneur a expérimenté encore la nuit avec ses disciples. Quand ils étaient sur la haute montagne, Marc, prenons la partie qui est verset 5. Non, commençons au verset 4. Là où sur la montagne où Jésus les a amenés. Élie et Moïse leur apparurent. S'entretenant avec Jésus. Jusque-là, il n'y avait pas de nuée. Mais il y a eu deux hommes clairement identifiés. Ils sont apparus là. Wana, sur la haute montagne. Ngomba, ils n'étaient pas de leur nombre sur terre. Quand ils ont quitté leur village, leur ville, Il n'y avait pas ces deux hommes. Mais arrivé au sommet de la montagne, Jésus s'est transfiguré de l'époque. Et après ça, il y a deux hommes. Moïse et Élie. Moïse et Élie. Qui leur apparaissent. S'entretenant avec Jésus. Et les disciples, les trois témoins, les ont exactement Élie. Et Moïse ont été vus sur la montagne. Causant avec Jésus. Sur la terre ici de Dieu. Là-bas au pays de Canaan. En Israël, Moïse ayant deux pieds sur terre. Élie ayant deux pieds sur terre. Alors qu'ils étaient partis à quatre. Ils sont partis de Jérusalem à quatre. Donc Jésus le quatrième. Et Jacques, Jean, Jacobo, Johannes, et Pierre, et les trois témoins qui l'ont rencontré. Ils arrivent sur la montagne. Non. Jésus se transfigure. Et il y a Élie et Moïse qui apparaissent. Non pas causant avec Pierre, ni avec Jean, ni avec Jacques, ni avec ils n'ont rien adressé comme parole. Et ceux-là aussi n'ont rien dit à Moïse. Ou les trois témoins. Bango la tika la kini amupandi la bango. Bango. Pierre dans le froid. Et tu le na pio na kubanga ka. Dans le monde des vivants ou déjà parmi les morts. Abatona sur terre ou déjà au ciel. Notez que l'événement avait lieu sur une haute Le froid Bubangi, les envahis. Yango si nous savons quoi penser. Pierre, mais ça veut dire. Oui, bani ni kolobate. Seigneur. Mikolo. Il est bon que nous restions ici. Ils allaient malamo te bise toti kalawa. Il n'y a pas moyen de fuir. Ils allaient malamo akuki maté. Nos maisons sont très loin. Nos familles sont restées très loin. Bon, maintenant où se cacher? Donc on bat sa mawapi. Il est bon Seigneur que nous restions. Ils allaient malamo te bise toti kalawa. Nous restons ici. Toti kalawa. Restons trois temps. Tout ça là va y m'amisa to. Une pour toi. Moko pona yo. Une pour Moïse. Moko pona Moïse. Une pour Élie. Moko mozo pona Élie. Maintenant vous trois vous serez où? Ils nous misa to moko zalawapi. Voyez la peur et ce que ça peut vous faire. Vous passerez trouver des solutions aux problèmes. Mais vous ne faites que vous rendre pitoyable. Vous n'ayez jamais peur. Amen. Ne parlez pas sous l'onction de la peur. La peur est une malédiction pour l'église. La peur est une malédiction pour le croyant. Débarrassez-vous de la peur. Ayez l'amour de Dieu dans le cœur. En toutes situations. Ayez la maîtrise de vous-même. Agissez selon la parole. Vous avec l'amour de Dieu dans votre cœur. Et que votre douceur soit connue de tous les hommes. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Pierre a parlé. Et la Bible dit, il ne savait que dire, par le froid, il savait dire. Mais Élie et Moïse, sont apparus. Ne pas un mythe. Ils allaient une illusion. Une fiction. Mais une réalité tangible. Et ils étaient là en personne. Élie et Moïse. S'entretenant avec Jésus. Maintenant, pour faire taire la peur de Pierre, lui qui aurait dû représenter par son courage nous tous les croyants, mais il a fait la honte là-bas. Et quand il a parlé de dresser trois temps, on a dit que c'est ça la pensée humaine, c'est qu'il faut former une dénomination. Et il voulait construire trois dénominations là-bas sur la montagne. Pensant faire la volonté de Dieu. Oh, c'est faux. Il dit même, il est bon que nous restions ici. Il pensait que c'était bon. Mais tout ce que vous dites sur la peur est mauvais. N'essayez pas de donner une spiritualité à ça. Parce que la peur est une malédiction. Débarrassez-vous de la peur. Il a dit, il c'est bon. C'est bon que nous soyons ici. Voyez, c'est bon. Or, il y a de bonnes choses que ce que Dieu dit. Il y a de bonnes choses que ce que Dieu veut. Toutes nos propres idées, c'est mauvais. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Il est décevant. Bon. Son cœur est tordu comme un serpent. Le cœur humain n'est pas du tout crédible. Mais pour faire taire cette peur, l'angoisse expressive. Nous lisons dans Marc 9, verset 7. Une nuée veut les couvrir. Bon, toi qui veux dresser trois tentes, Bon courage avec ton frère. On commence déjà les trois fondations. Maintenant ensuite tu verras qui est-ce que tu vas mettre dans ta tente. Du courage humain. Wana bobele piko ya de la peur qui est l'autre qui la peur. Une nuée veut les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Non plus Élie. Et Ali, les sujets, non plus Moïse. Moi, mais Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon corps. La nuée tranche et c'est la discipline. La parole de discipline céleste. Elle met fin au balbutiement des hommes. Le péché la chose humaine. Aux rumeurs d'hommes. Aux opinions individuelles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez. Il était dans la nuée. La nuée cache tous les trois. cache tout le droit. Et de la nuit, sort une fois. Pendant que Pierre ne voyait plus personne. Écoutez-le. Et après que la voix ait dit ça, verset 8, aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. C'est quel phénomène ça? Deux hommes apparaissent. Clairement identifié. Moïse et Élie. S'entretenant avec Jésus. Pierre commence à balbutier. Dieu s'était. Quand il a fini d'exprimer ses peurs, Dieu envoie une nuée. Le coupe. Le voile à leurs yeux. Il distingue la nuée. Sors une fois. Jamais entendu. C'est son produit. Il n'y avait pas moyen de se cacher de lui. Nous ne savons pas parler. Il ne donne pas souffrir. Il envoie une nuée mystique. Jésus disparaît momentanément. Et lui qui était à toi, il disparaît. La voix parle. Et tous les trois témoins l'entendent. Celui-ci est mon fils. Et juste après ça, il regarde tout. Batali pa n'est pas eu. Plus personne d'autre à part Jésus. Mototé mobile Yesu. C'est quoi? Vous allez nini? Notre réalité. Sommes-nous sur la terre? Nous allons dans le deuxième monde. Nous allons dans Il y avait de quoi se questionner. Peut-être que si quelqu'un n'avait pas la bonne constitution pour se retrouver là, une crise terrible qui est cardiaque. Il n'y a qu'il y a de l'eau. Oh, regardez la Matthieu 17. C'est le même événement qui est commencé. À quoi? Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, attention à l'ordre d'apparition, dans Marc, c'est Élie et Moïse. Moïse et Élie. Qui leur apparurent s'entretenant avec lui. Petala Mose pe Elia bamonani na bango bazalaki kolobana na ye. Voyez ça. Bomoni. Alors, pendant que Pierre parlait, wana Petro bene koloba. Verset 5. Wana mulonga mitano. 6. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, il voici entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils s'entendirent cette fois, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Verset 7. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Là, c'est le verset 8. Wana jali mulongo ya mwambi. Etomboli bango miso na bango ba moni moto te bobele Yesu ye moko. Après l'impact de cette puissance, une majestueuse voix de Dieu. Nikambo wana mungongo munene pe yangu ya Nzambe. Vous pouvez l'entendre de loin, hein, et vous avez une idée. Oyoka yango musika uza na mali kanisi. Mes frères, l'entendre presque à 0 mètre. Oyoka yango bobele na pene boye. Toi et humain. Yo moto. Si Dieu ne t'a pas préparé, tu peux mourir sur le champ. Mais Jésus les a surnaturellement préparés. Parce que dans tous les 12 disciples, il n'a pas pris Judas. Encore celui-là, le voleur. Qu'est-ce qu'il allait faire de bien? Judas. Hein? Judas. Un type pareil, vraiment. Un frère de ce genre-là. Le poisson yambongo ko sakanaki. Oh! Il a laissé de côté Judas. Atika ki pembeni. Il a pris Jean, Azaki Yohane, Jacques, Jacobo, et Pierre. Pépetelo. Et les trois, Misato, malgré que Jésus les avait quand même apprêtés. Attends, oui, ça, c'est la quand cette voix majestueuse lui a parlé. Mungongo, munene, wana, nguya, Zambé. Qui peut résister, frère? Nana, rokote, lema. Dieu t'a parlé. Zambé, kolo, de la yo. Vous entendez parler de la voix audible, hein? Boyoka, boulva, na, mungongo, zel, koyoka, la koye. Des fois, vous ne vous représentez pas ce que c'est. Bala, monsou, soubokoye, batte, si yango, zali, pentani, na, boussou. Eh, le frère, là, a dit que Dieu, là, lui a parlé et tout. Et vous parlez de ça, manger les shawarma. Vous allez, ko. En rigolant. Tu sais ce que c'est la voix audible de Dieu. Oye, benini, zali, mungongo, zel, koyoka, na, na. Mais je sais que c'est la promesse, le frère. Zali, ko, ça, la, kati, dans d'autres, la moto. Eh, ben, non! Eh, ce frère-là! Oh non, Dieu ne lui a pas envoyé. Eh oui! Vous parlez sur un rigola. Continuez à vous amuser. Ce que vous semez, vous le récoltez. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Regardez les trois. Ils ont entendu cette voix à partir de là. Ils sont tombés. Comme pour perdre connaissance. Donc, maloba perdre le mandat pour le katani. Ma bungi là nous. Et puis après, Jésus approche. Oui, ça belle ni à mami bango. Les gars, si. Oh, si ça m'a fait te pousser aussi. Donc, il le voit qu'on est aussi, bah, avec tes problèmes et tes réalités. Il y a une force qui va s'ajouter là où il y a un problème. Il est la même hier, aujourd'hui, il est le plus important. Touché. Oh, ils se sont réjouis. Bango, la maison du Sipenza. Gloire au Seigneur. Kembo Nakolo. Amen. Mais quand il tourne, Tango Baruki, Batali Panepai, il ne voit que Jésus. Bamoni Bobele Yesu Yemoko. Une puissante vision. Wana Emono Anguya Penza. Mais Jésus avait dit, quelques-uns d'entre vous, Bamosu Katina Binoawa, je vous l'ai dit en vérité, alors, bien, ne mourrez pas, Bakoku Fake, qu'il n'ait vu venir le Fils de l'homme dans son règne. Katina Bokondinaye. Ou en notre terre, quelques-uns d'entre vous qui êtes ici, ne mourront point, qu'il n'ait vu venir le royaume de Dieu avec puissance. En notre terre, parce que cet événement que nous décrivons a eu lieu 6 jours après cette annonce de l'Éternel. C'est-à-dire presque une semaine après. 6 jours, la Bible dit, 6 jours après, Jésus les a amenés sur la haute montagne, et il s'est passé les choses qu'ils ont vues. Mais cette chose-là a eu lieu dans une vision. Comme il descendait de la montagne, verset 9, et comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision. Vision. Et c'est qu'à Bango, dans Gomba, Yesu, à l'Obaki, na Bango, et Bolovana, Moto, Tepona, et Mononeli, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Kinomona, na Moto, à ce qu'on a fait, tout ce qui s'est passé sur la montagne. Depuis l'apparition de 2 hommes, clairement, Moïse, na Elia, ou Elie et Moïse, ou Elie, na Moto, on va y revenir dans ce moment, avec notre frère Bonham. N'en déconnez pas. On va y revenir dans un moment avec notre frère Branham. Notre précieux frère Branham. Quelque chose là. ce qui s'est passé depuis l'apparition de Moïse et d'Élie. Même la transfiguration de Jésus. À l'apparition de Moïse et d'Élie. À l'apparition de la nuée. Et à la voix majestueuse du Dieu. Qui a tranché sur la filiation du Fils. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'était une vision. Et donc. Quand Jésus, 6 jours auparavant, il disait que, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point s'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir voir là dont Jésus parlait. Ce n'était pas voir de manière charnelle, de façon purement humaine, mais il parlait d'une vision prophétique qu'il allait leur donner. Vision. Il ne s'agit pas de voir la réalité concrète, la venue littérale du royaume de Dieu, ou la venue littérale du Fils de l'homme dans son règne. Voir, le mot voir qu'il avait utilisé. Il ne veut pas être compris charnellement. Et il a dit, il devait voir venir. En d'autres termes, voir la venue. En d'autres termes, avoir la vision de la venue. Et cette vision devait être une vision prophétique. C'est-à-dire contenant des événements à venir. Non pas qu'ils se réalisent déjà, mais des événements qui viendront à l'occasion de l'installation du règne. Quand le royaume de Dieu viendra littéralement sur la terre. Et donc, Bongo. Jésus, tout en confirmant la promesse de leur donner la vision, il leur a permis aussi de voir de leurs yeux certains signes liés à sa venue. Liés à la venue du règne du Christ. La venue du royaume de Dieu. Et là, dedans, Jésus n'était plus que l'humain ordinaire, homme de douleur, habitué à la souffrance que vous connaissez. Mais c'était un homme transfiguré. Un homme transformé. Mais pendant qu'il vivait avec eux, il était l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais quand il leur montre le moment où il viendra dans son règne, là, il est transfiguré. Et ses habits se mettent à briller plus que l'éclat du soleil en plein. Et ça, Jésus venant dans son royaume avec il n'est plus là, cet homme-là de 45 livres. Il faisait environ 58 kilos. D'après la vision que lui a eu de lui. Je crois qu'il avait environ seulement 45 livres. Ça veut dire 58,100 quelque chose kilogramme. Maintenant, regarde ton poids. Talayo. Il est sur le monde. Amen. Mais poids n'a eu 58 kilos. Tu as gagné? Au talis autres, on a eu 58 kilos. Tuku mitano na mwambe. Hein? Ce qui est à mati na balance, c'est maintenant qu'il y a au mati. Non, on faisait plus. T'as un amco? C'est pour être aimé, c'est lui, il est tout puissant. Il a lié au anguillasso. Puissance, c'est là, bah, misclété. Et là, il y a un kilo, il y a oh, n'est-ce pas le bida, ma clash à ma boxeur, poids léger, poids moyen, poids lourd. C'est pas ça. C'est vraiment les idioties des hommes. Les hommes, ils classent là-bas le poids lourd, plus de 90 kilos, les ceci. C'est faux. Jésus est le véritable Paul. Mais aucun balance, 58,316 quelque chose. 45. Le poids corporel de Jésus. Même pas 60 kilos. Donc, il n'atteint même pas 60 kilos. Physiquement. Mais il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le plus fort que tous les êtres. Il est l'invincible. Il est le grand médecin et le guérisseur. Il est le sauveur du monde entier. C'est 52 kilos. À force de jeûner et prier, Okila, kubundela, vie de jeûne et de prière, bomo yako, kila, yako, yako, 30, 33 ans, 58 kilos. C'est comme si tu peux te lever aussi, oser dire, mais il y a son encore au signer payé. Non, c'est un goût, à son précédent. Mais c'est un goût, à son précédent. Mais non, mais signer. Ce que tu signes, le moins beaucoup, le moins tout est libre tout. Tu peux penser ça? Quand tu regardes son poids, tu dis, oh, je peux le bousculer. Mais il est le Dieu créateur. Amen. La cellule surnaturellement créée. Wana makila ou ikila mina lulenga mokila. Oh, du péché. Wana libanga na masumu. Le sang d'Emmanuel. Makila ya Zambé. Zamba siko koma moto. Dieu devenu chair de sang. Zamba komi zoto pe makila. Mais il pesait pas beaucoup. Il a porté le péché du monde. Amen. Pouvez-vous comprendre ce paradoxe de Dieu? Un Dieu tout grand qui se fait si petit, si léger pour naître dans une crèche dans la plus petite ville du royaume de Juda Bethlehem. Dans la crèche, là où il y a les chiens, les brebis qui font des matières fécales. On n'a pas eu à faire. Il allait sur ma bête, il allait. Il n'allait pas eu à faire. Et quand il grandit, il est le ministère. Son poids n'a fait même pas 60 kilos. Vous dites, on a eu comme écoute tout comme auto batté. Oh. Mais regardez. Voilà. Frère Branham pesait plus que ça. Quand il avait eu à faire la boxe. Selon le classement des hommes ici, il n'était pas classé dans les poids légers. William Branham était le poids moyen. Il avait eu du poids. Physiquement. Mais Jésus pesait moins que lui. Mais il est son Dieu. Il est notre Dieu, notre Fils. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder la chair. Hein? La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vit ici. Donc, il est annoncé une vision et la vision est venue. Et dans la vision, la vision de la venue du Fils de l'homme dans son royaume. Dans son règne. Ou alors, la vision de la venue du royaume de Dieu. Là-dedans, Jésus n'était pas celui-là dont vous détournez les regards. Mais il était le superbement impressionnant. Ses yeux projettent la lumière. Et quand tout cela est passé, c'est une nuée qui vient couvrir et lui, et Moïse, et Elia. Miséricorde. Et puis la voix sort. Et l'impact, c'est que les gens étaient calmes. Et lui-même devait les relever. Il les a touchés. La touche du Seigneur. La touche du Seigneur, c'est différent. Quand je fais comme ça, Frère Jonas, je me sens prêt. Tango na simbi boué, ne koyo na koyo kelo kote. Quand je décide d'utiliser cette main. Sokinzam, amen. Sokinzam, akati na kotala le bon pour nan de koyo na. Je peux juste faire. Asko kotala bo bele boué. Et tous les malaises qu'il a dans son corps. Amen, amen. Amen. Et pas si nous allons encore dans notre kokenda. C'est le poids de la main de Dieu. Ouane d'aller vous dire que le bon pour nan zambi. Utilisant une main humaine. Kotala la kalo bo koya moto. Jésus est venu la toucher. Yesu aye bobele mani bango. Bango va télémi. Batali pa ina pa yuma. Il a disparu. Il a disparu. Moïse a disparu. Batali moi. Il y a que Jésus-Christ. On va voir le Jésus-Christ qui est mon corps. Chers amis. Baninga. Je vais prendre un commentaire que fait Frère Branham. Allez causer mal vali colo, ne commence le cosa. Dans le sermon, la vision de Patmos. On a émoné le lina patama. Prêché le 4 décembre 1960. Balé mon boy a coté mon camarade quoi tout comme toba. Paragraphe 242. Et ceci. Maintenant, observez. Avant que Jésus revienne sur la terre. Bon, anticipons un peu. Mais l'esprit d'Élie reviendra sur la terre et ramènera le cœur des enfants à ceux de leur père. Avant quoi ça? Avant que Jésus-Christ ne vienne sur hein? Quand est-ce que Jésus-Christ viendra-t-il sur la terre? Au moment de l'enlèvement? Quand il viendra enlever l'église? Là, nous irons à sa rencontre dans les airs. Pas sur la terre. Maintenant, c'est donc ce que nous allons parler. C'est avant que Jésus-Christ ne revienne sur la terre. Avant cela. Bon. Et dit, anticipons un peu. Alors, nous anticipons. Bon, nous anticipons un peu. Avant d'aller décrire les événements reliés à la venue de Jésus-Christ sur la terre. Parce que la venue du Fils de l'homme dans son règne, ce n'est pas quand il vient enlever l'église. Ce n'est pas non plus quand il vient pour se révéler au peuple d'Israël. Pendant que l'église des nations sera au ciel, c'est pas ça. Vous allez côté. La venue du Fils de l'homme dans son règne. Oui, ce sera après la bataille d'Armageddon. Ce sera après la grande tribulation. Ce sera après le passage des témoins Moïse et Élie. Qui sont mentionnés dans Apocalypse 11. Après ça. C'est alors qu'il viendra dans son règne. Maintenant, avant que Jésus revienne sur la terre. Bon, nous anticipons un peu. Mais l'esprit d'Élie reviendra sur la terre et ramènera le cœur des enfants à ceux de leur père. Élie, lui, viendra d'abord sur la terre. Êtes-vous là? Vous allez voir là? D'abord sur la terre. Si nous faisons la parenthèse ici dans ma tête. Parce qu'il y a une question d'ordre. L'ordre, la seconde venue, les événements. Les événements qui doivent surgir. Matthieu 17, la verset 17. Une question d'ordre a été posée. À l'occasion de cette grande vision. Sur la haute montagne. Une question d'ordre a été posée. Le verset 10. Vous posez cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? C'est une question d'ordre. Si l'on dit Élie doit venir premièrement, c'est qu'il y a quelque chose qui vient avant l'autre. Et on ne doit pas interpréter cet ordre-là. On ne doit pas bouleverser cet ordre-là. Il vient d'abord. Il est une question d'ordre. La réponse est au verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Vous voyez la pensée qu'il donne là? Eux, les disciples, venaient de voir Élie sur la montagne. Alors que Jésus, qui était leur Messie, était déjà venu avant. Mais ils ont vu dans la vision Élie et Moïse apparaissant. Elia, Namose, comment on a parlé? Il était témoin qu'Élie est venu. Bazalaki, Batato, il était témoin aussi que Moïse est venu. Batato, il était témoin aussi que Moïse est venu. Ces deux personnes-là, Batomi, Balewana, sont venus après que Jésus soit venu auparavant. Bah, yé, na, tu m'as dit, yé, souillé, aya, liboso. Oh, quand pose la question. C'est préoccupant de la venue actuelle de Jésus. Qui était sa première venue. Jésus ne les avait pas amenés sur la montagne pour leur faire voir les événements reliés à sa première venue. Mais il avait amené ses témoins pour leur faire voir les événements futurs attachés au retour de Jésus. Mais eux cherchaient à comprendre comment il est apparu après. Mais nous nous souvenons, on a déjà dit aux gens que Jésus, il est le Messie. Le scribe dit que Élie doit venir avec le Messie. Eux qui connaissent mieux les Écritures. Mais là, c'est quoi? Qu'est-ce que nous allons encore dire aux gens? Nous avions présenté les choses d'une certaine manière. Maintenant nous voyons Élie. Ça nous rappelle l'enseignement des scribes. Dans nos églises, depuis qu'on grandissait, on apprenait pas. Nous disons déjà que Jésus est le Christ. Moi, je l'ai témoigné. C'est le Christ aussi, je dis ça. Mais non, je pense que cette histoire d'Élie, c'était juste les scribes qui nous endoctrinaient. Mais maintenant que c'est Élie apparaît. Ça est inamoni Élie comme on a comment se fait-il que le Messie est là? Parce que les scribes là. Nous avons vraiment prié ou c'était vrai? Maintenant nous allons dire quoi à des gens qui croient et qui sont comme. Donc on va dire il exige Élie avant d'envisager reconnaître un Messie. Pendant que les scribes continuent à exiger, Élie a été déjà venu. Eux ne les savaient pas. Les scribes ne les savaient pas. Parce que Dieu a caché ces choses-là aux sages. Il les a révélées à ses enfants. Le père de Jean-Baptiste connaissait cet Élie. La mère de Jean-Baptiste, Élisabeth. Elisabeth, le père de Jean-Baptiste, Zacharie, connaissait cet Élie-là. C'était l'enfant que Dieu leur a donné dans leur vieillesse. Auquel ils ont donné le nom de Jean. Parce que l'ange leur avait communiqué clairement. Que celui qui marchera devant Dieu dans l'esprit et la puissance. Pendant qu'un couple indexé comme celui-là, qu'on a dénigré pendant des années parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et que des gens qu'on ne pouvait pas vraiment faire cadre dans la société. Et quand l'enfant Jean-Baptiste vient naître d'un tel couple, seulement qu'il était reçu de plusieurs critiques. Est-ce que moi, j'ai un peu fait solo? Est-ce que moi, j'ai un peu fait solo? L'autre, ça peut même l'opposer. Oh, maman, voilà. Écoutez, puis on va dire des histoires. Il pouvait avoir toutes les raisons pour ne même rien reconnaître là. Mais Dieu l'a fait quand même. Et c'était cet enfant né dans un contexte d'humiliation au sein que Dieu a élevé au rang d'Élie qui devait bénir. Qui allait croire ça? Zambé, oh yo, Agamagabunaye. Qui allait vraiment croire? Couple moko problématique. Baba la niwa makambo. Moi na moko abotami. Toi yebite ce qui te fait yango. Souka zaka lima. Demo. Moulibo moko toi. Et ça m'a gamo solo. Parce que nan toi yokache. Ni bange mou yimikolo. Oh non. Mou bange wana. Maman menopause wana. Docteur médecin aye. Aye bike menopause. Eh ya kobota et c'est le cas. Mais comment n'y a mou abotami kuna? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Amen. Et il les donne quand il veut. Oh, et c'est un tel enfant qui est Élie. Et après lui, c'est lui qui devait être le Messie. C'est conseil d'une vierge. Jamais vécu. Mais c'est quoi ça? Les voix de Dieu sont insonnées. Il fait des fois certaines choses sciemment. Pour que l'incrédule ait tort. Donc, tout en passant avoir raison dans son incrédulité. effaçons-nous et croyons Dieu. Arrêtons de gonfler. Nous ne sommes rien. Nous allons le côté. Humilions-nous. Frères et sœurs, humilions-nous. Il faut trop gonfler là. Moi, nous ne sommes rien. Nous allons le côté. Regardez comment le tout grand Dieu, il peut venir naître dans l'humilité. Ça, c'est le Christ insaisissable. Dans la mangeoire des agneaux. Et quand il grandit, homme de douleur habitué à la souffrance. Mettez l'esprit la balance, même pas 60 kg. Léger. En fonda. Mettez-moi toi, l'égati. Oui, Isère, les renards ont l'air tanière. L'homme n'a pas d'endroit où le faire. Comment allez-vous attendre une santé de faire d'un tel homme? Parfois, même à la tombée du soir, il ne savait même pas où est-ce qu'il allait. Ton sauveur. Tout ça pour te sauver. Vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Asseveli, il a emporté mes péchés. Ressuscitant, il a été glorifié. Il m'a justifié pour toujours. Revenant, il me glorifiera. C'est pour moi qu'il fut crucifié. Pour moi, il n'a même repris rien. C'est pour moi qu'il fut crucifié. Pour moi, oui Jésus. Oui pour moi. Dans mon cœur, chante un amour. Amour de mon sauveur. Dans mon cœur, chante un amour. Qui fait tout mon bonheur. Que cet amour fasse tout ton bonheur. Amour rédempteur. Amour du sauveur réel. Jésus-Christ est son seul nom. Voyez ça? Moni. Dieu est très bon. Quand la question d'autre a été posée, il faut regarder les choses. Les disciples étaient en train d'oublier que la vision que le Seigneur leur a donnée n'était pas relative à sa première venue, mais c'était relatif à sa prochaine venue. Comme l'homme oublie et s'embrouille. Or, en accord avec son retour, Jésus maintenant répond là. Il est resté dans la pensée qu'il avait communiqué à moi. Il n'est pas tombé dans leur piège. Il ne peut pas répondre. S'il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir tout. Il est resté dans la logique de l'annonce de la venue du Fils de l'homme. Dans son règne. Avant qu'on en arrive là, Élie doit venir dans. Avant qu'on atteigne le niveau où le Fils de l'homme est sur son règne sur la terre, Élie viendra premièrement. Entendez et retenez. Mais parce que vous avez une difficulté. Vous les disciples. Parce que vous vous questionnez. Vous êtes celui qui est apparu après ma vie. Mais alors, pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme? Pour nous devons souffrir beaucoup. Être méprisé. Ah, bah il est juste si vous. Ah, ok. Ah, et puis je vous dis qu'Élie est déjà venu. Élie a fini pour vous. Oui, nous jouer la boule et que na mituna bino eliwana asaya me o botune ni mutuna o asengeli koya yamo wana pe apoya pe akonso kama kamaso na molongo. Amen, amen. Deux Élie donc. Et Élie a mis balé qui était déjà venu mon quoi koya avant le même Messie liboso na masia mon koya Jésus Christ. Alors que les disciples ont compris wana ba kulwa sosoli leur parler de alors là qui bangona tina Yohane Mbaptiste. Mais pour ce qui est de cette autre élite qui viendra, pour rétablir tout ça, il faut que Dieu vous le révèle en votre temps. Quand viendra votre tour. Hello. Comme Jésus avait dit à l'époque, si vous voulez le comprendre, Un dimanche, on a tourné autour d'une question ici avec la question de l'Élie. Cette question d'Élie. Deux Élie. Ok. L'un, au temps où Jésus est venu la première fois, ou l'autre, maintenant où Jésus est venu. Ok. Élie. Maintenant, bon, nous anticipons un peu. Mais l'esprit d'Élie reviendra sur la terre. Il ramènera le cœur des enfants à ceux de la terre. La Bible le dit. Biblia et le viango. Jésus l'a vu là. Yesu amona ki yango kuna. Les apôtres l'ont vu là. Bayekoli bamona ki yango kuna. Et l'ordre de la venue du Fils de l'homme glorifié. Molongo ya boye ya mwana na moto asiko kembisama. Il doit être glorifié et revenu. Azonga. Qu'ont-ils vu en premier? Nini amona ki liboso? Vous revenons à ce que je vous ai promis tantôt. Avec notre précieux frère Branham. Sur la montagne des transfigurations. Qu'ont-ils vu en premier? Amona ki nini liboso? Par la vision de la venue du royaume de Dieu. Réponse. Yano. Élie. Elia. Réponse. Élie. Yano. Elia. Puis qui? Puis qui? Moïse. Moïse, Israël revenant là, les gardiens de la loi, et enfin le Fils de l'homme glorifié. Qu'ont-ils vu en premier? Élia. Et après Élie, qu'est-ce qu'ils ont vu? Moïse. Moïse. Et à la fin, le Fils de l'homme glorifié. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Cette réponse que Frère Branham donne est conforme à la manière dont Marc a présenté les choses. Marc a écrit comment? Malako, nous pouvons le relire, parce qu'on y est. Marc chapitre 9. Malako, Mokapalibwa, il dit ceci, au sujet de ces deux apparitions-là. Verset 4. Élie et Moïse les apparurent s'entretenant avec Jésus. Élie na Mose, ba monani na bango, ba jalaki kosolola na Yesu. Qui est mentionné en premier? Nana lobami na balobeli na liboso Élie. Qui vient en second? Nana na sima Mose. Mais dans Matthieu 17. Na Matthieu mokapazomi na sambo. Verset 3. Longami sa. Et voici Moïse et Élie les apparurent s'entretenant avec lui. C'est à la Mose et Élie, ba monani na bango, ba jalaki kolobana na ye. La manière dont Matthieu rédige ça, ça respecte l'ordre historique de la survenue de ministère de ces deux prophètes. Moïse était venu avant. Mose ayaki liboso. Et des siècles plus tard, il y a eu Élie. Na sima na tango mingi Élie ayaki. Moïse a sorti Israël hors d'Égypte. Mose abimisaki salele na libanda na Égypte. Mais Élie a amené Israël au Mont Carmel. Élie amemaki bango. À la terre promise. Kati na mabele na ilaka. Là où Moïse n'était pas arrivé. Et pas wapi Mose akomaki te. Élie a été envoyé là. Élie tina maki kuna. Des années plus tard. Wana mibuzi sile koleka. Et lorsque dans Malachie 4. Na Malachie amine. Dieu aussi annonce les événements qui viennent. Il a montré d'abord au verset 4. Il rappelle à Israël. Le ministère de Moïse. Le tome à Moïse. Souvenez-vous de Moïse, mon serviteur. Avant qu'il ne touche à la promesse d'Élie. Il l'envoie d'abord dans le passé. Il parlait d'un prophète qui était déjà venu. Son nom était Moïse. Souvenez-vous de Moïse, mon serviteur. Auquel j'ai prescrit en oreille. Des préceptes et des lois. Des ordonnances pour Israël. Et puis, verset 5 de Malachi 4, il est le prophète. Avant que ces jours ne viennent, les jours de l'éternel, les jours grands et redoutables. Vous allez voir là, les deux prophètes sont chronologiquement annoncés dans Malachi 4. Moïse d'abord, et puis Élie ensuite. Mais lorsqu'il est parlé de Moïse, dans Malachi 4, c'est juste à titre de rappel. Ils allaient la tine à copain qui la mobile. Non, pas comme une promesse. Ils allaient tirer le rôle et la carte. Quand Israël est dans l'Esprit, c'est la Israël et la maladie. C'est Moïse qui viendra. La mort, c'est moi qui a couillé. Mais il fait rappel de ce que Dieu avait fait. Et puis, il fait annonce de ce que Dieu fera. Balouzé la tine à Oyen Jean Bakosala. Ce que Dieu fera, il y a la tine. Essentiellement, le ministère d'Élie. Il devait venir. Mais dans ce que Dieu avait déjà fait. Dans Malachie, il y a Moïse avec ce qu'il avait. Il doit être sur ce temps. Vous allez voir là. Et quand on arrive au temps de Jésus-Christ, il y a eu Jean-Baptiste qui est venu avec les sujets. Il y a eu ensuite Jésus qui est venu. Qui était le prophète comme Azalaki Moussakoli Lokola Mosé. Vrai ou faux? Jean-Baptiste n'était pas un prophète comme Moïse. Jésus-Christ était ce prophète comme Moïse. Mais il est venu après Élie. Vous suivez? Vous allez colanda. Ça c'est des choses déjà passées. Vous allez maintenant dans l'ordre de la seconde venue. C'est Élie qui apparaît d'abord. Vous allez voir. Jésus vient ensuite, il enlève l'église. Ensuite, Moïse et Élie viennent à Israël. Après l'enlèvement de l'église. Voilà comment les événements vont se passer. Donc, l'esprit d'Élie doit venir d'abord sur la terre. Pour préparer la venue du Fils de l'homme en tant qu'épouse. Pour enlever son épouse. Pour enlever son église. Avant que cet événement désert n'ait lieu, l'Esprit d'Élie doit venir d'abord sur la terre. Et cela cadre avec la promesse d'Actes chapitre 3. Ici, n'est-ce pas? Au verset 21. D'abord verset 21. 20. Jésus-Christ doit rester au ciel. Jusqu'au temps du rétablissement de tout le monde. Dont Dieu avait parlé l'enseignement par certains prophètes d'autrefois. Il doit rester au ciel. Avant qu'il ne vienne, qu'il ne vous soit envoyé. Il doit rester d'abord là, attendant le temps du rétablissement de toutes choses. Mais qui doit lancer le rétablissement de toutes choses? C'est Élie qui doit venir. Amen. Amen. Il vient donc avant. C'est clair? L'ordre de la seconde venue. Quand il vient en premier? Élie. Elia. Et puis qui? Asimanani. Moïse. Mose. Israël revenant là. Pour la gardien de la loi. Batile et enfin, le Fils de l'homme glorifié. Alléluia. Il dit. Alloudé. Voyez-vous? L'ordre de sa venue. L'esprit d'Élie. Ou le témoin du dernier âge de l'église. Oui. Venant avec puissance. Pour le manifester. Pour manifester le Fils de l'homme. L'esprit d'Élie. Ou le témoin du dernier âge. De l'église. Venant avec puissance. Pour le manifester. Êtes-vous là? Vous allez voir là. dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Lisons rapidement. C'est le 20 février 1960. Par exemple, il nous est promis la même chose aujourd'hui. Il a Malachi 4. Pour ramener le cœur des enfants. Pour dire qu'il n'est pas mort. Que ces choses ne sont pas pour un autre âge. Le baptême au nom de Jésus. Ce n'était pas pour une époque reculée. Mais il est le même maintenant. Amen. Amen. En ayant tiré tous les autres lieux d'adoration. Il veut bien. Bola na malamu. En ayant dit tous les autres lieux d'adoration. Voilà ce que l'aigle du dernier jour doit faire. En ayant dit tous les autres lieux d'adoration. Eli au Mont Carmel. Elia na ngomba n'avait-il pas rétabli l'autel de Dieu? Azongisa ke tumbe na nzambe te. Le lieu d'adoration unique. Na wapi ya kukumba mela mobile moko? N'a-t-il pas indiqué clairement pour Israël? Atasa yi pole te pona Israël. Les idoles de Baal. Wana biki kuna Baal. Les autels de Baal et d'Astarté. N'a-t-il pas été démoli? Yango e bebi sama jiko. Voilà. L'aigle du dernier jour. Kongo ya mikolo na suka. A aussi pour tâche. Ya zele mosala. Tous les autres lieux d'adoration. Autre que Jésus-Christ. Et c'est pour ton salut. L'évangile du salut qui est prêché maintenant. En ayant dit tous les autres lieux d'adoration. Voilà ce que l'aigle du dernier jour doit faire. Montrez que tout le reste ça n'a pas de sens. Et la dénomination c'est insensé. Mais de leur montrer de nouveau avec le même signe que lui Jésus-Christ faisait. Il faut leur montrer de nouveau qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Amen. Avec le même signe du Messie. Il est momoko ya masia. L'aigle du dernier jour. Pongo ya mikolo na suka. Il est le témoin du dernier âge. Il est le messager et il est le prophète. Il devait faire tout ça. Ça vous fait du bien? Oh. Un enfant de Dieu qui est aigle comme lui ici. Il ne pourra qu'apprécier. Ça doit faire du bien. Ça doit faire du bien. Vous voyez ça? Alors Jésus-Christ, il était le prophète dont Moïse avait parlé. Et Jean-Baptiste, c'est le prophète dont Malachi avait parlé. Dans les questions-réponses du 12 janvier 1961, l'on dit ceci, le paragraphe 396, à notre frère dit, nous lui demandons s'il était le prophète. On a demandé à Jean-Baptiste s'il était le prophète. Et il dit, je ne le suis pas. N'est-ce pas? Bongo. Jean-Baptiste n'était pas le prophète. Jean-Baptiste avait annoncé la prophète. Oui, maintenant. Car le prophète, c'était celui dont Moïse avait parlé. Oui. C'est celui-là. Le prophète. Voyez-vous? Mais il savait qui il était, lui Jean-Baptiste. Il savait qui il était. Il leur dit effectivement. Je suis la voix de celui qui était lui. La voix, celui qui crie dans le désert. Il dit ce qu'il était. Allez-y. Un frère dit. Alors. Quand Christ est venu, ceux qui suivaient Jean sont venus à lui, il a enseigné qu'Élie devait précéder le Messie. Et il dit, si vous pouvez le comprendre, hein? C'était lui Jean-Baptiste l'Élie. Il qui est Yohann Mbaptiste. Vous pouvez le comprendre. C'était lui. Il qui est. Hein? Matthieu 11 verset 15. C'est juste. Et Jean continua à dire, je ne suis rien, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. N'est-ce pas vrai? Le prophète dont Moïse avait annoncé la venue, c'était Jésus-Christ. Jean-Baptiste était annoncé par Malachi et par Isaïe. Maintenant, un autre temps ici, à l'âge de l'église, tout à la fin, que Branham a eu une vision le 22 décembre 1922, juste 8 jours environ, avant qu'il ne prêche la prédication intitulée, une semaine avant, une prédication plein de questionnements. Alors, il a une vision. Une puissante vision. Il a une constellation des anges. Et à l'occasion de leur passage, il y a une détonation. Ils lui ont presque coupé les souffles. Et il pensait qu'il allait mourir. Et la vision annonçait sa mort. Il dit, qu'est-ce que c'est? Parmi les questions qui se posaient, j'aimerais juste lire un peu ici. Non. Les messieurs, est-ce le signe de la fin? Vous avez terminé par ça. Donc, du 30 décembre 1962. Paragraphe 410 et 411. Où sera-ce le temps où ce sera de nouveau, voici l'agneau de Dieu? Est-ce que Kozala n'est pas le bambalasika, talam pati nazambe, et oyo? Ou le temps de Malachi 4. Pour ramener le cœur des enfants à la voix de nos pères. Qu'est-ce que c'est pour ça? Sera-ce une déflagration telle que des choses présentes se produisent au point d'affermir l'Église qui est allée en descendant et qui ne peut comprendre le mystère de Dieu. Quand ils verront les souffles de cette puissante déflagration. Cela ramènera-t-il leur cœur à ceux de père? Question. Voilà. Quand les gens de l'église verront les souffles de cette déflagration que moi j'ai vu en vision, maintenant ils entendront parler la réalisation, l'événement. Quand ils verront le souffle de cette est-ce que cela ramènera-t-il leur cœur à ceux de père? Comme l'annonce de la Bible. Ce sont des questions que se pose le prophète. Ou alors, est-ce le message déjà passé? Il aurait dû faire cela? Je ne sais pas. A éviter. Une vision énigmatique. Il se souvient seulement dans cette vision-là. Qu'à un moment, il a entendu la voix de Joseph, son fils. Mais il ne comprenait pas. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Monsieur, c'est le signe de la fin des temps. Ou bien, est-ce le signe que c'est terminé? Cela me paraît très scripturaire. Je ne sais pas. Il y avait là ces anges. Il a dit. Il dit ça avant que l'événement du 28 février 1963 ne se produise, au cours duquel vous avez vu cette nuée de gloire. Il a dit ça avant. Il y avait là ces anges. Et il y eut une déflagration. Comme un coup de tonnerre. Qui secoue la terre entière. Dieu sait que je dis la vérité. Mais une des questions qui est posée ici. Est-ce que quand les gens de l'église d'aujourd'hui verront le souffle de cette détonation, de cette déflagration, est-ce que cela ramènera-t-il leur cœur à l'épée? Or quand cette déflagration a eu lieu, on a vu une nuée apparaître. Avant qu'on ne puisse identifier le visage de qui était déjà. C'était visible, connu partout dans la terre. Juste une nuée. Un gros nuage. Ça a eu lieu, la science a photographié. Mais ce frère Branham, à qui l'ange a dit, cette nuée qui était apparue dans cette position, malgré la nuit, il y avait quelqu'un dedans. Qu'est-ce? Nini? Monsieur, de quoi s'agit-il? La question mérite d'être posée. Mais le message a les réponses. Amen. Notre message a des réponses. Sur la montagne de transfiguration, il y a eu une nuée qui a caché et Jésus, et Élie, et Moïse, na Mose, et la voix est sortie de quand Jésus partait au ciel. Il voyait Jésus seul partout. Mais un moment, une nuée venue le cacher. Les hommes, non clairement identifiés. Dans acte 1. Les hommes, leur sont apparus. Les ont interpellés. L'enlèvement de l'église n'a pas encore eu lieu. L'avenue du royaume de Dieu avec puissance n'a pas encore eu lieu. Parce que cette venue doit intervenir après l'enlèvement de l'église. Le règne de 1000 ans. Selon le passage de Marc 9, versets 1 à 12 que nous avons lu, le passage de Matthieu 17, versets 1 à 11, même chose. Voyez là, vous n'allez pas prendre cette nuée. Vous allez pas t'arrêter. Vous voyez. Bon, parce qu'il s'agit de nuées toujours. Vous avez compris maintenant les patins. Donc, c'est Jésus qui est revenu. Vous allez choisir vos onga pour installer son règne. On a côté à vos est-ce que c'est biblique d'admirer? Vous allez la Bible, y a ma commune pour parler. Le prophète messager ne l'a jamais dit. Voilà mon message. Assez que le bengo bon côté. Comme ça. Et vous n'avez pas les droits de les dire. Vous avez ma copie à Koloba, y'a bon côté. Dites ce que disent les banques. Koloba, on est capable d'aller Koloba. Jésus viendra. Yeshua Kozonga. Pour installer son règne. Pour apporter à vos consignes. Après le festin de nos sociétés. Nassima ya Elambo. Après le festin de nos. Nassima, Nassima ya Ngopenda. Après l'enlèvement de l'église. Nassima, connais-tu la maille ecclésia? Mais ici en 63. Ah, voilà, mon bouillon, quand on m'a comme elle va tout, comme tout, on va c'est aussi l'église que Dieu a vu et connu. Mais ce église n'a pas encore en scène. Tout à l'heure, du coup, tout cas, tu n'as pas ça là. Le tabernacle chrétien n'était pas encore né. Nous avons la Christ, c'est beau, t'as ma guité. Mais Dieu nous connaît, non? Zamba et Bibiso. En tant que ses enfants. Vous allez à la cabane, hein? Amen. Hein? Il nous connaît. Mais nous n'étions pas même encore appelés au message. Et vous, certains n'étaient même pas encore nés. Et même si ils étaient nés, certains ne connaissaient même pas le message à ce moment-là. Mais ces choses avaient déjà eu lieu. Il faut les placer correctement. Là aussi, c'est une nuée. Mais que Frère Branham a comparé sans cesse à la nuée de gloire qui accompagnait les enfants d'Israël. Dans le premier exode. Et ici c'est un signe de la fidélité de Dieu. La même nuée de gloire. La même colonne de feu. Qui avait accompagné Israël. Accompagne maintenant l'église. Dans le troisième exode. Et celui qui s'est révélé là-bas, c'est la divinité suprême. Ça prouve que là, il y a qu'un seul Dieu. Que la Trinité est diabolique. Croyez-le, seul vrai Dieu. Le même Dieu qui s'était manifesté au Mont Carmel. Dieu d'Élie. Le même Dieu créateur. Qui manifeste au Mont Carmel. Manifesté comme Dieu de Branham. Branham était sur la montagne. Et son Dieu est apparu comme ça. À mon anipo et kuna na likolo. Dans l'ensemble, il y a Branham et on. Hein? Bon, mon yé. Amen. La kacha et nilingi. Nzambe ya Branham ndeye oyo. Branham azaka nzambe te. Nzambe na ye ndeye oyo. Oyo ate ya biso message la kisa biso ye oyo. Le même Dieu qui avait dit à Moïse. Nzambe moko alibaki na Mose. Hein? Vous le savez non? Oui bien go. Je viendrai à toi. Na koya epai na yo. Toi Moïse. Yo Mose. Dans une épaisse nuée. Na lipata monene. Afin que le peuple voie quand je te parle. Et qu'il ait toujours confiance. Ce Dieu-là qui avait dit, il est le même qui est apparu. À un prophète du nom de William Branham, dans une épaisse. C'est la répétition de l'histoire. Moi, je ne peux pas douter, je dois croire. J'aime la manière de Dieu. Exode 19, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai à toi dans une épaisse nuée. Et afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Yahweh a levé la kimose et tala na koya et pa ina yo katina li pata mwindo et bato bayo kawana et kolubangai et bandi mayo libela loko. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Mose a memaki malobana libota et pa ina. À cette occasion, na oite li kamboyo, du sein de cette nuée, na kati na lipata oyo, le même Dieu qui avait parlé, Zambi moko alubaki, du sein de la nuée sur la montagne de transfiguration, le même Dieu qui avait parlé, Zambi moko alubaki, a eu à parler à William Branham, alobeli pe William Branham, qui était là présent, yazalaki wana présent, retourne à Jefferson, là te seront révélés les Et la parole du Seigneur Dieu. Fraîchement révélé pour maintenant. Le message de notre temps. Qui nous distingue des dénominations. Des autres églises organisées. Tenez ça comme des saints commandements. Dans les sermons, Dieu dévoilé, Abraham a dit que Moïse était entré dans cette colonne de feu, il a ramené à Israël les saints commandements de l'Éternel, montrant parallèlement que dans notre temps, un autre fils est entré là-bas, et il nous a amené les sept sceaux. Donnez la valeur à ces sept sons. Mangez les sept sons. Dans leur révélation. Et ça édifie particulièrement votre foi. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout pour la prière. Prions chacun brièvement. Bon de la mort, un mot de prière à ce Jésus. L'unique sauveur. L'unique mort pour le salut. Qui sera le roi de toute la terre. L'esprit de l'île va venir. Prépare les choses. Puis l'enlèvement viendra. Puis il y aura Moïse et Élias et Caïa. Et puis son règne viendra. L'ordre de sa seconde. De la venue du Christ l'homme dans son monde. De la venue du Christ l'homme dans son monde. Qu'il te révèle cela. Qu'il t'affermit sans cela. Qu'il te distingue par cela. Pour identifier le message de ton temps. Et l'apprécier hautement. Et comment on a malamu na lolenge le kwetu dans la reconnaissance. Ou mi nakati na kozungu samatoni. Par l'esprit d'adoration. Na mulima kokunda mera. Son Dieu bon qui a passé à tout comme ça. Akani sibina lolenge wana. Prions chacun. Bon dila moko na moko. Nous te remercions de tout cœur pour le message que tu nous as envoyé. La parole de vérité révèle maintenant et le grand signe surnaturel. La confirmation divine que l'entreprise du message et est l'entreprise du Dieu créateur. Et le message que tu as envoyé, nous l'avons entendu ce soir. C'est un message restaurateur. Père, merci pour ceci. Qui de lui-même pouvait y accéder? Qui par cet effort pouvait y arriver? Mais c'est ta grâce que nous t'y amènes. Contrôle tous nos êtres, Seigneur. Contrôle les membres du corps de chacun de nous. Afin que nous soyons soumis, consacrés, purifiés par le sang d'Emmanuel, l'avocat. Qui intercède pour le péché et pour le péché du monde entier. Jésus-Christ le juste, l'unique sauveur, entend nos prières, répond à chacun, confirme ta promesse, secoue-nous encore, mon Dieu, réveille nos esprits, et nous soyons meilleurs au front, dans la bataille spirituelle, fais de chacun de nous meilleurs au front, de cœur tout le temps. Je fais cœur chaque fois. Offre la condamnation de nos cœurs. Mais la consolation dedans. Offre les maladies dans nos corps. Mais la force divine dedans. Le pour te servir. Le pour t'adorer, Seigneur. Nous voulons être meilleurs. Change-nous chaque jour. Façonne-nous à l'image de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, la nouvelle volée. Pour que tu vivifies son message. Pour que tu vivifies. Dans nos maisons, dans nos rires et travail, dans notre chemin partout, vivifie ta parole, la chère messière en lien, c'est l'esprit vivifié, nous t'appelons sur la scène, fais du bien à chacun, garde tes enfants, maintenant que nous voulons sortir, que la peur s'en aille. Chaque situation, et sortir plus que maintenant. Et chaque chose que nous te demandons, tu nous la donnes. Ta parole l'arrache. Tes paroles demeurent à nous. Et nous demeurons toi. Nous vous demandons n'importe quoi. Et nous le recevons. Ta parole est infaillible. Ta venue est imminente. Toutes les choses que nous voyons, que nous attendons ici, ça passera. Mais ton évangile restera éternellement. Ta parole demeurera éternellement. Approche chacun à cette parole. Parole du salut. Approche mon frère à la préparation. Je suis concentré sur la préparation individuelle. Pour être prêt lorsque je viens de toi. Autre esprit d'amnésie. Autre esprit d'action. Mentalité. Rétrogradation. Qu'il soit chassé de l'église. Chassé de mes frères. Je veux l'esprit de vérité. L'esprit de sainteté. L'esprit du salut. L'esprit de vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse et vous garde.